Inter. C'est Oli. O-L-I. Oui. La Bibli des petits. Je suis pas petit, je suis grand. Bonjour, je suis Thomas VDB. Et je vais vous raconter l'histoire de Jojo le ninja. Il était une fois un petit ninja qui s'appelait Jojo. Jojo le ninja, Jojo le ninja, Jojo le ninja, Jojo le ninja. Son papa aussi était ninja puisqu'on l'appelait Papa Ninja. En effet, Jojo et son papa faisaient partie d'un club de ninjas, l'Amicale des ninjas, qui était une association de loi 1901 à but non lucratif. Et tous les week-ends, ils allaient au club pour s'entraîner à faire du nunchaku et jeter des shurikens sur des gros murs en mousse. Et il jouait aussi beaucoup au chambouctou, qui n'est pas une activité de ninja, mais quand ils s'étaient rhabillés après leur entraînement, il y avait des boîtes de conserve et des boules de laine, et ils en profitaient pour se faire une bonne partie de chambouctou. Un jour, le directeur du club de ninja, qui s'appelait... Attends, il n'y a que des hommes dans cette histoire, on va plutôt dire... Un jour, la directrice du club de ninja s'appelait Suzanne. Non, on va plutôt dire qu'il s'appelait Amina. Un jour, alors que Jojo et Papa Ninja venaient de commencer une partie de chambouletou, le score était à égalité 4-4, quand Amina, la directrice du club de ninja, vint les trouver et leur teinte à peu près ce langage. « Au secours, Jojo! Au secours, Papa Ninja !»« Que se passe-t-il, Amina ?» s'écrie Jojo. « On m'a volé mon camion de chamallow !»« On t'a volé ton camion de chamallow ?»« Oui !» s'exclame Amina. En effet, Amina n'était pas que directrice du club de ninja, elle était aussi livreuse de chamallow. Elle avait deux emplois, elle travaillait beaucoup, c'était une workaholic. Amina adorait ces deux métiers, d'une part, car elle pouvait rencontrer beaucoup de ninjas dans le club de ninjas pour parler avec eux des diverses techniques d'espionnage et d'attaque ninja. Nunchaku ! Et d'autre part, en tant que livreuse de chamallows, elle pouvait manger absolument tous les chamallows qu'elle voulait à longueur de journée. Mais au grand malheur, ce jour-là, Amina s'était fait voler son camion de chamallows, 500 kilos de chamallows répartis sur 10 cagettes de 50 kilos. Puisque 10 cagettes de 50 kilos, 10 fois 50, ça fait combien ? 500 kilos ! Mais qu'il est intelligent, ce petit garçon, qu'il est intelligent ! 6716 divisé par 73 ? 92 ! Et tiens de son père, ça n'est pas possible. Et donc Amina, elle était en train de parler à Jojo et Papa Ninja en disant « Mais comment je vais faire pour manger les chamallows ?» Parce qu'elle dit « J'adore les chamallows, c'est mes légumes préférés !» Et là, Jojo dit à Amina « Désolée de t'embêter, Amina, mais les chamallows, c'est pas des légumes, c'est des fruits. » Et alors que Papa Ninja est en train de jouer au chamboultou juste à côté d'eux, il s'écrie « c'est pas non plus des fruits, les amis. » Quand soudain, toute l'amicale du club des ninjas entend un énorme fracas à l'extérieur du club. Un bruit de moteur, mais pas un bruit de moteur comme les autres, non. Ce bruit, ce n'est pas un moteur de moto, ce n'est pas un moteur de voiture, non. Ce son... Jojo et Papa Ninja le connaissent bien. C'est le moteur du turbo jetpack de Joe l'exterminateur. Amina, Jojo et Papa Ninja se précipitent dehors. Et alors qu'il survole le parking du club à environ 25 mètres de haut avec son jetpack, Joe l'exterminateur s'écrie « C'est moi qui ai volé le camion de chamallow !» Mais le moteur du jetpack fait énormément de bruit. Et Jojo, Amina et Papa Ninja ne comprennent pas bien ce que Joe l'exterminateur est en train de leur dire. Tu as donné des pions à des animaux. Non, c'est moi qui ai volé le camion de chamallow. Tu as fait de l'avion à chamallow. Non, j'ai volé le camion de chamallow. À cet instant, Papa Ninja comprend ce que Joe l'exterminateur est en train de dire. Jojo hurle. Tu nous fais pas peur, espèce de bébé cadome. Et avec Jojo, tous les deux, ils s'élancent de l'échafaudage. « Prends garde à toi, tête de limaçon !» lui écrit Papa Ninja, parce que c'est le roi de la bonne vanne, Papa Ninja. Tous les deux s'accrochent à Joe l'exterminateur. « Laissez-moi, vous allez me faire tomber !» hurle Joe l'exterminateur. « Tu rends les chamallows !» crie Papa Ninja. Et paf, il lui donne un grand coup de pied dans le tibia. « Ouch !» crie Joe. « Ha ha !» répond Papa Ninja. Ah « gémit Joe l'exterminateur. « Hé hé !» ricane Papa Ninja. Et là, Jojo, fâche, il fait une grosse griffure à la joue de Joe l'exterminateur qui finit par abdiquer et dit « Ok, ok, je me pose. » Et pile au moment où Joe l'exterminateur se pose, Papa Ninja lui met un gros coup de tatane dans les mollets. Hey, calmos, dit Joe. Je me suis fait opérer des mollets, tu pouvais pas le savoir, mais ça fait hyper mal. Amina s'approche alors de Joe l'exterminateur et lui dit: ils sont où, mes chamallows? Complètement vaincu par les deux ninjas incroyables que sont Jojo le ninja et Papa Ninja, Joe l'exterminateur baisse les yeux et répond: au parking payant juste en bas de la rue. Il faut se dépêcher de remettre de l'argent, sinon on va se prendre une prune. À ces mots, Amina s'élance dehors, en prenant d'abord un double des clés du camion et se précipite au parking payant avec un peu de monnaie. Elle arrive juste à temps pour remettre un peu d'argent dans le rodateur. Quand Amina ouvre la portière du camion, une délicieuse odeur de chamallow monte dans ses narines. Amina prend une énorme poignée et se met au moins 15 chamallows d'un coup dans la bouche. Nous sommes ravis d'avoir pu t'aider grâce à nos techniques de ninja, Amina, s'écrie Papa Ninja. Amina lui répond: promets-nous que tu n'essaieras plus jamais de voler quoi que ce soit à qui que ce soit, préviennent Jojo et Papa Ninja à Joe l'exterminateur. Vous avez ma parole, dit Joe l'exterminateur. Et ni une ni deux, Joe l'exterminateur, Jojo, Papa Ninja et Amina descendent dans le sous-sol du club de ninja avec chacun dans les bras une cagette pleine à ras-bord de chamallows pour se faire une bamboche de tous les diables. Et voilà les enfants, l'histoire est finie, donc maintenant, au lit. Ouais. Les petits ninjas. Oli, c'est aussi une collection de livres illustrés à retrouver en librairie.